La fortune souriait aux deux amants. Ils oublièrent vite les malédictions de Tiberge. Cependant, leurs deux domestiques profitèrent une nuit de leur absence pour s'enfuir en les dépouillant. Manon parut profondément affectée de ce désastre. Un matin, son frère l'amena, profitant du sommeil des Grieux, qui, au réveil, trouva cette lettre de sa maîtresse. « Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur, et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Crois-tu qu'on puisse être bien tendre lorsqu'on manque de pain ? Je t'adore, compte là-dessus, mais laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur, à qui va tomber dans mes filets ? Je travaille pour rendre mon chevalier riche et heureux. Mon frère t'apprendra des nouvelles de ta Manon. Il te dira qu'elle a pleuré de la nécessité de te quitter. » Le chevalier est agité de sentiments confus par cette lecture quand Lescaut se présente. Il est fort mal reçu, mais réussit à calmer le jeune homme et à lui expliquer son plan. Il s'agit d'exploiter la générosité d'un vieillard amoureux. Monsieur de G, point de suspension, M, point de suspension. Le chevalier passera lui-même pour le plus jeune frère de Manon, orphelin à charge avec deux aînés. Il sera mal accoutré et prendra l'air d'un collégien provincial aigné. Ce n'est pas sans amertume que Desgrieux se résout à jouer un tel personnage. Mais tout a été réglé par Manon et il n'a pas d'autre espoir de la conserver. C'est à la maison offerte par le vieillard qu'il la revoit quelques jours après. « Écoutez, Manon, lui dis-je en l'embrassant, je ne puis vous cacher que j'ai le cœur mortellement affligé. Croyez-vous que je puisse penser sans soupir et même sans verser des larmes à la triste et malheureuse vie que vous voulez que je mène dans cette maison ? Laissons ma naissance et mon honneur à part. Ce ne sont plus des raisons si faibles qui doivent entrer en concurrence avec un amour tel que le mien. Mais cet amour même, ne vous imaginez-vous pas qu'il gémit de se voir si mal récompensé, ou plutôt traité si cruellement par une ingrate et dure maîtresse ? » Elle m'interrompit. « Tenez, dit-elle, mon chevalier, il est inutile de me tourmenter par des reproches qui me percent le cœur lorsqu'ils viennent de vous. Je vois ce qui vous blesse. J'avais espéré que vous consentiriez au projet que j'avais fait pour établir un peu notre fortune. Et c'était, pour ménager votre délicatesse, que j'avais commencé à l'exécuter sans votre participation. Mais j'y renonce, puisque vous ne l'approuvez pas. » Elle ajouta qu'elle me demandait qu'un peu de complaisance pour le reste du jour, qu'elle avait déjà reçu 200 pistoles de son vieil amant, et qu'il lui avait promis de lui apporter le soir un beau collier de perles avec d'autres bijoux, et par-dessus cela, la moitié de la pension annuelle qu'il lui avait promise. « Laissez-moi le temps. Seulement, me dit-elle, de recevoir ses présents. Je vous jure qu'il ne pourra se vanter des avantages que je lui ai donnés sur moi. Il est vrai qu'il m'a baisé plus d'un million de fois les mains. Il est juste qu'il paie ce plaisir, et ce ne sera point trop, 5 ou 6 000 francs en proportionnant le prix à ses richesses et à son âge. La fortune ne me délivra d'un précipice que m'offert tomber dans un autre. »